fois, en regardant ma vie, je me dis que, entre le réel et mes rêves, c'est le jour et la nuit. Ce soir je me sens bien, j'ai envie de philosopher. Dire ce que je pense tel que ça vient, pour moi c'est déjà un trophée. Avec les potes sur le balcon, on refait le monde face aux étoiles. Ce soir je fais pas con, j'écoute mon cœur qui se dévoile. L'immensité de l'univers, c'est le plus beau des décors. L'infini est un mystère et on est bien tous d'accord, ma bonne étoile. Je l'ai rarement vu briller, j'attends avec espoir son retour, mais son ampoule elle est grillée. Si je vise la lune, c'est pour me rapprocher des astres. Je veux briller dans la lumière, ne pas sombrer dans le désastre. La nuit porte conseil, car les étoiles nous font rêver. Avant le retour du soleil, je veux vous laisser savourer. C'est dans ces moments qu'on se rend compte qu'on restera toujours gamin. Notre histoire c'est comme un conte, on se tendra toujours la main. Vous êtes mes potes et je vous le dis, dans ma tête j'ai 10 ans, un peu comme Soujon et Bouzy. Sauf que moi j'y crois vraiment. Tous les trois sur le balcon, on fait le bilan de nos vies. On regarde derrière, on regarde devant et on vit. On se raconte tous nos rêves, on se rend compte de nos envies. On regarde hier, on regarde demain et on vit. Pense aux entre étoiles. Le réel et nos rêves, c'est le jour et la nuit. On croise les doigts et on espère et on vit. Pense aux étoiles. Face aux étoiles. Face aux étoiles. Face aux étoiles, face aux étoiles. C'est ce soir, la nuit est chaude et cette brise réchauffe le cœur. On reste assis là jusqu'à l'aube à se raconter nos peines, nos peurs. Assis côte à côte sur ce balcon, on passe des heures à se parler. Les insomnies, ça a du bon. On fait le monde, puis on défait. Pas besoin de vous regarder dans les yeux pour deviner qu'on est des frères. On veut montrer tout ce qu'on peut tout en restant les pieds sur terre. En remontant quelques années, je nous revois au commencement. Un premier son pour s'éclater, puis les premiers encouragements. Face aux étoiles, sur ce balcon, on lève les voiles. Vers d'autres horizons, face aux étoiles, comme un enfant, je lève les voiles. Est-ce que tu m'entends? Tous les trois sur le balcon, on fait le bilan de nos vies. On regarde derrière, on regarde devant et on vit. Face aux on étoiles. Se raconte tous nos rêves, on se rend compte de nos envies. On regarde hier, on regarde demain et on vit. Face aux entre étoiles. Le réel et nos rêves, c'est le jour et la nuit. On croise les doigts et on espère et on vit. Face aux étoiles. Face aux étoiles, face aux étoiles, face aux étoiles, face aux étoiles. On est face aux étoiles, à l'immensité de l'univers. Et c'est face à cette étoile qu'on se rend compte qu'on n'est qu'une poussière. Mais aujourd'hui on est bien là, même si on ne peut rien y faire. Et faut avancer avec ça malgré ce qui s'est passé hier. Notre passé nous suivra toujours, quoi que l'on fasse, quoi qu'on espère. Nos coups durs, nos chagrins d'amour, on s'en rappellera, ça c'est clair. Mais on avance au jour le jour, peu importe ce qu'il y a derrière. Même si on est en contre-jour, il y a toujours de la lumière. Face aux étoiles sur le balcon, on fait le bilan comme on a fait. On regarde tout ce qu'on a fait de notre vie et tout ce qu'il nous reste à faire. Moi faut que je sorte de mon cocon réservé et mon caractère. Faut que je dise plus souvent mon avis plutôt que de regarder MTR. Voilà où j'en suis désormais lorsque je regarde en arrière. Alors que j'ai déjà 20 balais, je suis toujours célibataire. Mais quoi qu'il arrive, j'avancerai, ma force est que je persévère. C'est face aux as que je suis en paix, aucun des as ne met à terre. Est-ce qu'on est bien là tous ensemble, tous les trois contre cette barrière. Chaque fois la connerie nous rassemble plus que des potes, on est des frères. Sur chaque musique on s'améliore, on a créé notre atmosphère. Peut-être que ça vaut pas de l'or, mais nous on aime, on en est fiers. Tous les trois sur le balcon, on fait le bilan de nos vies. On regarde derrière, on regarde devant et on vit. On se raconte tous nos rêves, on se rend compte de nos envies. On regarde hier, on regarde demain et on vit. Entre le réel et nos rêves, c'est le jour et la nuit. On croise les doigts et on espère et on vit. Pense aux étoiles.